Lettre 58e, Constantin à Cneius Florianus, Nicomédie, décembre 302. Les temps actuels, mon cher Florianus, préparent de grandes choses pour l'avenir. Je me hâte de t'apprendre que la guerre avec la Perse vient de se terminer par une paix honorable. Nous avons fait notre entrée triomphale à Nicomédie. Dioclétien en agit avec Galerius de manière à lui faire oublier la punition humiliante qu'il lui avait infligée. Galerius ne serait pas ce qu'il est s'il ne tirait pas avantage du sentiment de remords que l'empereur éprouve de ses torts avec lui. Je sais, à n'en pas douter, qu'il en abuse, ainsi que de la vieillesse d'Auguste, pour le forcer ou pour le persuader de faire abdication, ce dont on assure qu'il a le projet. On prétend que ce dernier veut engager l'empereur Maximien à abdiquer aussi, et qu'il veut se retirer avec lui à Salonne, où depuis longtemps il s'est fait arranger une superbe demeure. Galerius et mon père deviendraient alors empereurs. Mais qui sera César? Je vais employer tous mes soins pour qu'aucune créature de Galerius ne se mette sur les rangs. Je tiens de mon père et mes droits et ses sentiments élevés, et tu m'as appris qu'on peut et qu'on doit se servir de toutes les forces dont on est capable pour remplir la place à laquelle la nature et notre sort nous ont destinés. Marcius Alpinus, aux mains droits, rusé courtisan, favori de César, flatteur jusqu'à la bassesse, ennemi déclaré des chrétiens, avait paru jusqu'à ce moment si nécessaire à son maître que celui-ci ne pouvait se passer de lui un seul instant, et tout à coup il l'a éloigné et nommé préfet à Nicée. C'est une disgrâce honorable dont personne ne devine la cause. Peut-être est-ce seulement que César n'a pas voulu qu'aucun homme au monde pût croire qu'il lui était absolument nécessaire. Quoi qu'il en soit, le favori disgracié joue à Nicée le rôle de philosophe. Il est, dit-il, dégoûté de la cour et du monde, et ne veut vivre que pour soi. Je n'ai jamais estimé cet homme, mais je le méprise bien plus encore, depuis que, pour plaire lâchement à son maître, il s'est déclaré en toute occasion l'ennemi d'Agathoclès. Dernièrement encore, lorsque mon ami fut nommé tribun sur le champ de bataille, Galerius, qui le déteste, n'osa pas s'opposer aux cris de l'armée. Mais Marcius Alpinus fit ce qu'il put pour empêcher cette nomination. De mon côté, je lui témoigne d'une manière non équivoque l'indignation que m'inspire une telle conduite et combien je méprise son influence. À présent qu'il est en disgrâce, et malgré ce qui s'est passé entre nous, il m'a offert ses services. Être vil et méprisable, j'ai peine à me décider à lui avoir la moindre obligation. Mais personne, peut-être, ne pourrait m'aider plus efficacement, parce qu'il connaît les ressorts les plus cachés que Galerius fait agir pour parvenir à ses fins. Je verrai ce que je dois faire. Ici, le but justifie les moyens, et rien de tout ce qui peut m'y conduire, et n'est pas criminel en soi, ne doit être rejeté. Mon avenir est encore obscur, et mes démarches doivent l'être aussi. Tu dois être persuadé, Florianus, que je ne ferai rien qui soit indigne de ton élève, mais ce que la nécessité et les circonstances exigent dans ma position ne doit pas être jugé d'après les règles ordinaires de la stricte morale, qui ne sont pas toujours d'accord avec celles de la politique et du plus grand bien de l'État. La vertu sévère, qui ne se permet rien, échouera toujours contre le vice qui se permet tout. La raison doit employer tous les moyens qu'elle possède pour résister à la tyrannie, sans quoi les armes ne sont plus égales, et la bonne cause succombe sous des considérations pusillanimes. Cependant, je te jure, Florianus, par celui qui livra sa vie pour le bonheur du genre humain, que la nécessité absolue m'engagera seul à avoir recours à des moyens que ta délicate vertu ne puisse pas approuver. Des hauteurs de la politique, nous retombons dans l'état de pure nature, où l'adresse et la force s'attaquent et se défendent tour à tour. Galerius me hait par-dessus tout, parce qu'il déteste les chrétiens et qu'il me regarde comme l'appui d'une secte qu'il voudrait anéantir. C'est pour les poursuivre à outrance qu'il désire le pouvoir suprême. C'est pour les défendre que j'aspire aussi à obtenir quelque pouvoir. Il en résultera un combat terrible, mais j'espère que le ciel sera de notre côté. J'écris il y a 2 jours à mon père et je lui expliquai ma situation. Il aura la bonté sans doute de te communiquer ma lettre. Elle suppléera à ce que mes occupations ne me laissent pas le temps de te dire. Adieu, mon cher Cneius.